Abby Souria, Dino Yogo, chante. Fada Bassende, Papi Okito et Dobilan à London. C'est vraiment bien quand c'est toi qui choisis. C'est encore mieux quand c'est toi qui demande. Ça fait du bien s'il n'y a pas palabre. C'est encore chic quand il n'y a pas problème. Bon la Tony à Belfort, au bel Makuna Hollande. Ce n'est pas bon quand c'est forcé. C'est vraiment amer quand c'est dicté. Ça ne suffit pas de dire hein. Et moi oui, ça fait pas bien quand c'est la bagarre. Et y en a. Le trail culturel de la semaine, la transafricaine, avec Brice Mapo-Mandiba sur Africa Number One. C'est vraiment bien quand c'est toi qui choisis. C'est encore mieux quand c'est toi qui demande. Ça fait du bien s'il n'y a pas palabre. C'est encore chic quand il n'y a pas problème. Fanny et l'horoscope, Arcade Kilimanjaro. Ce n'est pas bon quand c'est forcé. C'est vraiment amer quand c'est dicté. Ça ne suffit pas de dire hein. Et moi oui, ça fait pas bien quand c'est la bagarre. Et y'en a hey, José Congolomi Bébo hey, yeah, Équation et paille à hey, José Calibo hey, Bokul Ifangé hey, Domem Ambweni Nabundes Wapi Alain Gondo na Grenko Space Schengen Place chez maman ma passe à Londres hein. Bedos Congo na Paris Tassema Villa na Pébou Blues Aboubacar na Libreville. Adèle, la Libreville. I'm Étienne Vito.